La signalisation annonce deux types de dangers. Le premier est lié à la présence d'un cassis ou d'un dodane, c'est-à-dire un creux ou une bosse importante. Le second concerne l'accotement qui est instable et donc peu praticable. Comme je circule hors agglomération, les dangers annoncés ainsi que le début de la zone dangereuse sont situés à environ 150 mètres après ces signaux. Réponse A et D.